aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la salle 5. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège numéro 42 parce que c'est dans cette salle que Victor et moi, on va vous parler de cinéma, des fois d'actu et des fois pas d'actu, et peut-être même que vous allez apprendre des trucs. Alors, salut Victor, comment tu vas ? Salut Jade, ça va super bien, prêt à parler de notre héros du jour. Notre héros, pas national, mais un peu comme si. Alors du coup, pour cette première séance, techniquement, on va vous demander de faire comme si on était encore en début juillet et qu'un grand blockbuster nommé Skyscraper venait tout juste de sortir au cinéma. Alors prenez une grande boisson parce qu'il fait très chaud et installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va vous parler du grand, de l'unique, du magnifique The Rock. Dwayne Johnson. Voici Dwayne The Rock Johnson. The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Alors, mais The Rock, c'est qui? C'est quoi? Dis-nous, Victor, dis-nous en plus sur ton héros. Au commencement, c'était un roi du catch. C'était une légende dans ce milieu professionnel qui a fait naître de très grands acteurs. On pourrait parler de The Rock, mais aussi on pourrait parler de John Cena. J'allais le dire, ouais, John de John Cena. On pourrait parler aussi maintenant de la nouvelle relève de The Rock, qui est Dave Bautista. Aussi. Ouais, enfin un peu de John Cena aussi, enfin il commence à faire des films. Ouais, aussi. Mais après, il est devenu un autre roi. Un roi scorpion. Le roi scorpion qui se battait là où se traînaient Brendan Fraser et Rachel Weisz. Depuis, il est tout simplement devenu le roi du box-office. Mm-hmm. C'est l'acteur le plus rentable de 2018 selon Forbes, annoncé récemment, ayant gagné une modique somme de 124 millions de dollars. Putain, ça va, hein, donc c'est impossible de passer à côté. Cette année, enfin genre par an. Cette année, c'est lui le premier. C'est lui le non, premier. Mais le million là. Par an, c'est ouais. Par an. Enfin, c'est cette année en tout cas, ouais. C'est pas par mois. Putain. Non, quand même. Par film, t'imagines. Le mec, il est blindé, c'est Elon Musk. Il est impossible de passer à côté de ce phénomène coup de poing qui est The Rock, que l'on soit fan de catch ou de cinéma. C'est un phénomène de la pop culture qu'on connaît tous. C'est un peu comme le Michael Jackson de la testostérone et que l'on retrouve donc pour ce Skyscraper réalisé par Rawson Marshall Ferber. Je crois que ça commence comme ça. Oui, mais avant de passer à ce film magnifique, tu nous disais que son premier rôle, enfin c'était un roi au tout début, un roi scorpion, mais c'était pas son premier rôle, c'était quoi son premier rôle? Son premier rôle, tout au début. Alors, je l'ai vu récemment, j'ai appris ça récemment, c'était un caméo dans Vat Senti Show, il semble. Ouais. Le début d'une grande histoire. Une grande histoire, il débutait avec les plus grands acteurs, des acteurs qui ont grandi aussi, comme Ashton Kutcher. Ouais. Mais en plus, enfin, juste après, il a été, enfin, juste après, je sais pas, mais il a été au ciné dans Le Retour de la momie, où il jouait le roi scorpion. Et mais il était tellement génial, tellement ça a marché. Tellement en CGI aussi. Aussi, oh putain, c'était trop moche. Heureusement que pour le spin-off, ils ont vraiment enlevé cette CGI moche. Ouais. Parce que tellement le film il a marché, ils ont fait un spin-off Le Roi Scorpion sur Le Roi Scorpion avec lui. En rôle principal. Avec lui, et on trouve aussi Michael Clark Duncan, qui joue John Caffey dans La Ligne Verte. Oh putain, ah oui, et, oui je vois qui. Et exact. Le Roi Scorpion, d'ailleurs, que j'ai rattrapé pour cette émission via une certaine plateforme dont on ne citera pas le nom. Oui, on ne cite pas de marque, jamais. Et c'est Le Roi Scorpion, c'est un peu le précurseur du The Rock Movie que l'on connaît tous. Qu'est-ce qu'on attend devant un film de The Rock? De la bagarre, des punchlines, et un acteur qui porte le film comme une montagne. Et qui fait des levées de sourcils incroyables. Incroyables, ouais. Mais pas que, mais on en parlera après, on en parlera plus tard sur ta chronique sur notre film. Mais The Rock, juste après, enfin juste après, je vais pas dire juste après, mais après ça, après Le Roi Scorpion, justement, il a monté à Hollywood et il a fait de plus en plus de films. Il a vraiment une filmographie de ouf, enfin genre super longue. En faisant tout et n'importe quoi en plus, plein parce qu'on parle des films, on parle surtout là de cinéma d'action. Oui, de The Rock Movie, comme t'as dit, mais il fait d'autres choses. Il a joué une fée. Oui, j'allais le dire, parce que c'est un de mes films préférés avec The Rock, c'est Fait malgré lui. Et c'est, il joue la fée des dents. Mais c'est genre, le pitch du film, il y a un gars qui a été dans un bureau à Hollywood qui a dit « Je vais faire un film sur la fée des dents, joué par The Rock, mais signé direct, quoi, c'est obligé. » Et c'est quoi tes autres films préférés, enfin tes autres films que t'aimes avec The Rock? Ah, alors... Pas toute sa filmo, s'il te plaît, parce que je connais ton amour pour The Rock. Ouais, non, on va essayer d'être raisonnable et... Bah déjà, y a, je pense qu'il y a... J'aime beaucoup voir des petites... Je suis nostalgique des séries B des années 2000, début des années 2000, qui sont tout pourries, mais qui... auxquelles on ne pensait pas en faire des suites ou quoi. Et moi, par exemple, j'ai vu récemment Doom. Oh, je l'ai noté. Il est... Vas-y, dis ton avis. Alors, pardon. C'est un peu nul. On va même le dire, c'est très moche. Mais quand on voit le film et qu'on se rend compte que ça a juste la prétention d'être un film où on dégomme des monstres dans un vaisseau spatial chelou, et qu'il y a The Rock, et qu'il y a Rosamund Pike, et le mec qui joue Judge Dredd, Karl Urban, Karl Urban, voilà. Et ben, on c'est un petit plaisir qu'on regarde le samedi soir en DVD. The Rock qui joue d'ailleurs, ce n'est pas le héros, mais il joue le méchant. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai noté, parce que le film il est vraiment nul, mais c'est vraiment une purge quoi. Et pourtant j'aime bien le jeu, hein, mais le film, voilà. Mais dedans, le personnage de The Rock, en fait, je le trouve vachement cool. Parce que c'est pas un méchant au départ, mais il y a une évolution. Peut-être, je sais pas si c'est fait exprès qu'elle soit écrite. Enfin, je pense pas qu'elle soit bien écrite. Je pense que c'est un peu au dépend du scénariste que c'est arrivé. Mais The Rock le joue d'une façon que je trouve super bien écrit. En fait. Enfin, super bien présenté, joué le personnage. Enfin, puis bien sûr, aussi dans mes films préférés et cultes, mais il y a bien sûr ce renouvellement de la franchise Fast and Furious. Qu'il a su vraiment donner un second souffle. Parce que maintenant, quand on va voir un Fast and Furious, limite, malgré notre amour que j'ai pour Vin Diesel, ben, on s'en fout un peu de Vin Diesel. Nous, ce qu'on veut voir maintenant, c'est The Rock, qui va un peu comme Tom Cruise dans Mission Impossible, mais moins subtil, va toujours aller plus haut vers la deux mesures. Et dans le dernier Fast and Furious, on a quand même cette scène géniale où il dévie un missile avec ses mains dans... Seul The Rock peut le faire. Et c'est génial, et c'est pour ça qu'on en parlera en toute fin, et j'ai hâte de voir ce spin-off qui arrive bientôt sur son personnage. Ou un autre film, parce qu'on l'a pas dit, mais The Rock, avant d'être The Rock, c'est Dwayne Johnson, fils de... J'ai oublié le nom de ses parents, mais dont sa mère est polynésienne. Et il a joué dans... Enfin, il a joué. Il a fait la voix de... J'ai oublié le nom. Dans Vaiana, dans c'est ça que tu veux Moana dire, en original, mais j'ai oublié le nom du personnage. Et ce film, mais je l'aime, mais d'un amour tellement profond. Et c'est d'ailleurs grâce à The Rock qu'on a la meilleure chanson de Disney. La meilleure chanson de Disney qui est You're Welcome. Vous pouvez la chercher sur YouTube, mais c'est une petite pépite qu'il faut écouter l'été pour se sentir bien avec son tongue et près de la piscine. C'est parfait. Mais il faut regarder ce film en général parce que ça se passe. Ah ouais? Non, je sais pas, je dis peut-être une grosse connerie. Mais en tout cas, c'est avec toute la culture et la... Peut-être pas mythologie, mais ça parle de déesses, de dieux polynésiens, du coup, je suppose. Je suis pas trop sûre de ce que je dis, donc je vais peut-être pas aller trop loin. Mais en gros, je trouvais ça cool que ce soit The Rock qui avait été choisi pour faire la voix de ce personnage et qui, en plus, ça sort... de ce qu'il fait d'habitude, du gros film d'action avec des explosions et des motherfuck et des je vais sauver ma famille, je suis un mec et puis c'est pour toute la famille en plus. Oui, voilà, et on voit que le mec a vraiment pris un pied à participer à cette aventure Parce que c'est ça aussi, on parle de cette idée pour toute la famille. Mais The Rock, maintenant, c'est un mec qui a vraiment conscience de cette image qui rassemble surtout aux États-Unis, je pense, qui le rassemble pour la famille dans ses films. Et ça marche du merveille. Enfin, tout le monde, que ce soit un père ou un gamin, t'es super enfin, une mère, une fille, n'importe qui, quand tu vas au ciné, maintenant tu vas voir le gros film, et c'est souvent un film avec The Rock, ouais, en fait. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pas juste un Tom Cruise, ouais, ou un Gérard Butler, c'est juste un acteur de film d'action. Autre grand acteur, bien sûr, Gérard Butler. Mais je veux dire, c'est pas juste un acteur de film d'action que tu connais sa tête, tu vois, c'est juste, il est dans la vraie vie, il est super gentil et intelligent et honnête et drôle, et il est, enfin... Et il y a cette... Je sais pas si t'as vu, par exemple, cette vidéo qui a parlé cette semaine où, en fait, c'est The Rock qui a fait la surprise à son cascadeur attitré depuis plusieurs années. Il lui a fait croire, il semble, non, ça fonctionne comme ça, qu'ils allaient participer à un tournage pour un autre film. Ouais. Sauf qu'en fait, c'était pas ça, c'est The Rock qui lui a offert à son cascadeur une énorme voiture une espèce de 4x4 pour lui, pour lui faire plaisir et pour le remercier de tout ce travail. Mais il est beaucoup trop gentil. Il est super honnête aussi, ouais, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, dans les rôles qu'il choisit et tout, parce que même si c'est des blockbusters, des films d'action, des trucs boum boum explosion, des guns, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans chacun de ses personnages, enfin dans les films qu'il fait, c'est toujours des personnages, bon, à part dans Doom où c'est un méchant, mais même là, en vrai, c'est un, enfin, il est, ah, je sais pas comment dire, mais il le vit à fond, son personnage, et il est à fond dedans, et il est sincère, ouais, c'est exactement ça, il est sincère dans sa démarche, dans les rôles qu'il choisit et tout. Et justement, comme on parlait de films d'action, d'explosion, de blockbuster, il est revenu cette année, avec pas un, mais deux blockbusters. Mais là, moi j'en ai vu qu'un sur les deux, donc on va en parler. Enfin, moi je vais parler que d'un. On parlera pas des gorilles qui font des doigts, des gorilles géants qui font des doigts d'honneur, malheureusement. Tu pourras en parler si tu veux. Mais on va parler de ce magnifique film sorti en ce mois de juillet. J'ai nommé Skyscraper. Tous les hommes ont une faiblesse. Ta faiblesse. Papa aime qui ? Moi. Papa aime qui ? Moi. C'est ta famille. Tu vas m'apporter quelque chose que je veux. Non ! Le 96e est en feu. On doit sortir de cette tour. Papa aime qui ? Moi. Vous l'aurez compris en écoutant cette courte bande-annonce, on fait place ici à la démesure spectaculaire dans ce skyscraper. The Rock, il a une famille, une jambe en moins, mais a quand même envie a quand même le cœur d'escalader une tour infernale complètement haute technologique pour sauver les gens qu'il aime dans son cœur. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jade, de ce film ? Alors moi, je l'ai vu hier. Donc samedi soir, et justement je pense que c'est un bon divertissement du samedi soir quand t'es tout seul. Je pense que quand j'étais gamine, j'aurais aimé ultra kiffer, genre j'aurais été en mode waouh, des explosions, waouh, il se bat, waouh, il protège ta famille, mais genre le mec, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait l'histoire c'est que c'est un vétéran de je sais plus quelle guerre, et c'est là c'est pendant la guerre qu'il a perdu sa jambe. C'est un agent des forces spéciales qui perd ses jambes lors d'une prise d'otage familiale qui a mal tourné. Ah oui, bah, bref, il a perdu sa jambe en servant l'Amérique, on va dire, et du coup maintenant il veut se ranger entre guillemets, et il est vigile en gros d'immeuble, et il y a un immeuble qui a été construit, genre le plus haut immeuble de toute la planète, et il a un meeting pour être le vigile, quoi. Et ça tourne mal, et on dirait le début d'une vidéo YouTube, mais ça tourne mal, et il se trouve que sa famille se trouve dans l'immeuble quand des terroristes arrivent et il doit protéger et sauver l'immeuble et sauver tout le monde. En ayant une prothèse. Oui, en ayant une prothèse. Et je trouve ça vachement cool aussi. Mais ouais, c'est sympa. C'est pas ouf non plus. Mais je pense que si je l'avais vu plus jeune, j'aurais vraiment, vraiment kiffé. Je pense que, tu vois, on dit ouais, c'est sympa et tout. Mais je pense que c'est toujours la même formule qu'on a quand on regarde un nouveau film avec The Rock maintenant. Et je pense que tu peux le prendre avec Rampage. Aussi le sorti film avec le gorille. Le film avec le gorille qui fait des doigts d'honneur, donc qui fonctionne exactement de la même manière. C'est vraiment le film du samedi soir qui a une sincérité, alors quitte à se prendre comme dans Space Cooper un peu trop au sérieux, mais on voit qu'il y a du cœur dedans, qu'il y a vraiment un plaisir d'offrir du spectacle. Alors peut-être un spectacle qu'on pourrait voir 12 000 fois un dimanche soir sur TF1 ou quoi, mais qu'on kiffe voir parce qu'il est vraiment porté par un acteur, The Rock, qui porte vraiment le film sur lui, et on peut le voir, surtout quand tu vois Skyscraper, t'as vraiment le mec, t'as l'impression qu'il prend tout l'écran, je demande ce que... En même temps, t'as vu le gars, ouais, c'est... Non, mais c'est un beau bébé, hein, je me demande vraiment ce que vaut le film en IMAX, parce que c'est impressionnant, t'as l'impression que c'est The Rock, la tour. Il fait la taille de la tour. Et rien, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le mythe de The Rock qui est cette masse de ouf qui est prêt à détruire n'importe quoi, qui est là, ici, rendu dans ce casque par de manière plus vulnérable, face à une tour qui est complètement démesurée, et auquel The Rock va devoir se mettre à rude épreuve. Alors, j'ai pas envie de dire en disant que c'est le Ciao Tantin de Dwayne Johnson, ou c'est son rôle le plus sombre. Non, absolument pas. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant de le voir, travailler sur son image, en fait, d'acteur. Parce que je trouve qu'il joue vachement bien dans le film, enfin, comparé aux autres, par exemple l'actrice qui joue sa femme. Neve Campbell. Je trouve qu'il joue, mais il est incroyable. Je dis pas que c'est oscarisable non plus, il va pas gagner des prix bien. Pour ça. Il devrait avoir un Oscar de rôle. En vrai, il devrait, pour un autre film, mais on va en parler plus tard. Mais je trouve qu'il joue quand même vachement bien, et j'en ai un peu marre qu'on cantonne à juste des films d'action. Juste des comédies, juste des The Rock movies, entre guillemets. Parce que je pense qu'il peut faire plus que ça. Mais je pense que c'est un peu comme, tu vois, on parlait de Tom Cruise, par exemple. Mais je pense que The Rock, il veut aussi prendre cette voie-là, un peu, tu sais, de comédien qui... Lui aussi, ce qu'il kiffe dans le cinéma, c'est justement ce côté cinéma de l'attraction, en fait. Lui, ce qu'il veut juste faire, c'est kiffer les gens, faire kiffer les gens en faisant du spectaculaire. Et c'est comme si t'allais voir un Marvel au final, c'est vraiment. Oui, non, mais je dis pas que je veux qu'il arrête de faire ça. Je dis qu'il peut faire. Il est capable de faire plus. Je kifferais voir une. Personnellement, je kifferais voir une rom-com avec The Rock. Moi, je kifferais voir un film, mais genre un film à Oscar, entre guillemets, genre un Moonlight, tu vois, mais avec The Rock. Comme par exemple Adam Sandler, il avait fait avec Punch Drunk Love. Ouais. Qui est un super film, super touchant super et tout. Super comédien. Et tu t'attends pas que. Tu t'attends pas d'Adam Sandler qui touche. Comme il a pu le faire dans Punch Drunk Love. Non, Copain pour toujours deux, il est vachement touchant quand même. Regardez-le, hein, franchement, film à Oscar, meilleur film direct. Mais ouais, mais je comprends, mais moi je kiffe aussi être diverti par The Rock et le voir faire des phrases clichés, des punchlines et soulever son sourcil. Et je suis en mode, oh, The Rock. Oh, mais il a déjà fait pas mal de films comme ça qui sont peut-être moins connus en France parce que ce sont des films qui sont sortis aussi dans les salles aux États-Unis. Mais qui passe souvent par la case direct ou vidéo, donc par exemple sur Fantasy. Mais par exemple, il avait fait un film que je n'ai pas vu, mais ça s'appelle Rédemption. Parce que The Rock, c'est quelqu'un aussi qui est très sincère, qui est vraiment attiré par cette idée d'aller vers le haut. Pour lui, n'importe qui peut toujours aller vers un état meilleur. Et il est là, c'est un film où il joue le rôle d'un coach qui va entraîner des prisonniers pour une équipe de soit c'est de rugby, soit c'est de football américain, soit c'est de baseball. Ouais. Et tu vois que le mec est très investi dans ça. Il avait fait un truc pour HBO où c'était vraiment une espèce de réel de documentaire où il allait voir des prisonniers pour pour les aider en fait à aller À aller mieux, à se... À se... à avoir une autre vie, Ouais. à les pousser vers autre chose que ce qu'ils sont en fait. Oh, c'est génial, je savais pas Et ça. Bon, la seule anecdote que j'avais dans ce thème-là, dans le thème de The Rock veut aider les gens à aller mieux, blablabla, c'est qu'il a fait une application, mais bon, on peut pas la télécharger en France, elle est disponible que sur l'Apple Store américain. Américain. Ça s'appelle la Rock O'Clock, un truc genre, ou The Rock Clock, et en fait, c'est un réveil qui tu peux choisir entre plein d'alarmes différentes, et à chaque fois, il y en a une, c'est The Rock qui chante, il y en a une, c'est The Rock qui Mais dit c'est génial. réveille-toi. Et Non. c'est trop bien, et je Mais voulais la télécharger, mais c'était pas possible, il est pas dispo. il la faut, mais Apple Store, Et Android, il y a vous même faites une. quoi En fait, là? c'est parce que sur Snapchat, il mettait des snaps à chaque fois qu'il se réveillait, genre il se réveillait super tôt, genre 4h du mat et tout. Il y a des gens qui lui envoyaient des messages du genre oh, c'est trop bien de se réveiller ensemble et tout, d'avoir une petite vidéo de toi. Et du coup, il a fait une application, et sur l'application, des fois, si tu te réveilles par exemple à 6h du mat, tu vas avoir une vidéo de lui qui se réveille, enfin. Préenregistré, je suppose, qui est en Ouais, mode oh, bonne journée j'espère et parce que tout, c'est allez, t'es filmé au prêt à. réveil. Si mettre sur le réveil, c'est un peu effrayant quand même. Ça, faut être dans la même time zone, quoi. Et donc, tu peux avoir une vidéo de lui en mode bonne journée, tu vas tout défoncer aujourd'hui et tout, t'es le meilleur, blablabla et tout. Je trouve ça trop bien, mais on peut pas télécharger. Mais donc, on va revenir à quelque chose de plus intéressant et de plus cinématographique. On parlait justement de ce que des talents d'acteurs réellement, c'est pas ironique, de The Rock, et de ce qu'ils pouvaient faire, et de sortir un peu des films d'action, des sentiers, des chemins tout tracés dans lesquels il était. Et c'est ce qu'il a fait avec un film que tu m'as recommandé, que tu recommandes à tout le Tout le monde que monde. tu rencontres, et que j'ai enfin vu il y a genre 2 semaines, et qui est génial. Et j'ai nommé Southland Tales, dont tu vas nous parler maintenant. J'ai vu tant de choses que vous-même ne pourriez pas croire. Mais oui, parce que quelle odyssée pour un si grand film qu'est ce Southland Tales, d'abord jugé sévèrement lors de son passage au Festival de Cannes. Lorsque Wong Kar-wai, président du jury, n'était pas in the mood for love Il aurait pour dû. le second. Pardon, je te coupe. Je l'aime énormément, Wong Kar-wai, mais là, c'est pas possible. Ouais, non, c'était pas très juste là, Wong Kar-wai, vraiment. Donc, qui n'était pas in the mood for love pour le second long métrage de Richard Kelly, mais qui a quand même su acquérir au fil des années un statut de film culte pour beaucoup de cinéphiles. Et pour cause, cette charge politique proposée dans le genre de la science-fiction a de quoi nous retourner le cerveau. Dans Donnie Darko, son premier long métrage, il offrait un regard vertigineux sur les démons du passé en nous plongeant dans les années 80. Faut savoir qu'on va parler du rôle à contre-emploi de The Rock, mais dans Donnie Darko, il y avait aussi cette même idée avec le personnage joué par Patrick Swayze. Donc on ne spoilera pas ici. Ici, il se tourne vers le futur, situant son action en 2008 pour un regard assez prophétique vers ce vers quoi on se tourne en ce moment, on va dire. Donc c'est un futur qui est dominé par les images et leur manipulation, qu'elles soient au but de la surveillance ou alors de la propagande, elles sont partout aux États-Unis, quitte à créer un chaos de sujet fétiche du réalisateur. Et au milieu de tout ça se retrouve le personnage de Boxer Santeros, star du cinéma d'action républicain, utilisé mystérieusement à des fins manipulatives par le gouvernement. Ouais, alors attends, faut contextualiser un petit peu. L'histoire, c'est que il y a eu une attaque nucléaire au C'est ça. Texas, ou deux attaques Les nucléaires, il me deux, les semble, plusieurs attaques au nucléaires. Texas, et du coup, ça a lancé une troisième guerre mondiale qui fait que les ressources de la planète, en gros, c'était la merde, et du coup, il y a un genre de gouvernement Big Brother américain qui observe tout le monde, et faut vraiment. Alors, c'est vraiment super autoritaire. Pour aller à la banque, il faut avoir. Il faut donner, enfin, pour retirer des sous, il faut donner ton empreinte digitale, plein de trucs comme ça. En gros, t'es Et surveillé H24. en fait, à travers ce genre de la science-fiction qui est la dystopie, qu'on peut retrouver dans plusieurs, dans une énorme quantité de films et de séries. Là, en fait, ce qui est surtout intelligent de la part de Richard Kelly, c'est que c'est pas vraiment un film où on va suivre vraiment des destinées d'un héros qui va se liguer contre ça. Là, il va plutôt se diriger vers une certaine tendance qu'avait le cinéma américain à cette époque, de faire plutôt un film choral, où on va suivre au final plusieurs personnages joués par un casting exceptionnel. Ouais, parce que il est génial, le casting. On parle surtout de The Rock, qui est quand même le personnage le plus balèze et intéressant du film. Mais on a, je te laisse dire qui on a. On a Justin Timberlake, on a Sarah Michelle Gellar, et on a le gars de American Pie. Stifler, Shane William Scott. Voilà, et on... et plein d'autres. Mais... plein d'autres. On retrouve Amy Poehler. Oui, il y a Amy Poehler. Amy Poehler. On retrouve des acteurs fétiches aussi du film de Richard Kelly. Il y a le papa de Donnie Darko qui joue dedans aussi. Ouais. On retrouve Kevin Smith. On retrouve Wallace Shawn aussi. On retrouve... il y a Christophe Lambert quand même. Oui, j'étais trop contente quand j'ai eu une scène... Mais ouais. Quand je l'ai vu, j'ai bloqué, je fais « C'est Christophe Lambert ouais. !» Et oui, c'était Christophe Lambert, c'est exceptionnel. Et on trouve dans la bande originale, on trouve quand même Moby. C'est Moby qui fait la BO. Et donc du coup, avec ces personnages dont on parlait de Boxer Santaros, c'est impossible pour nous de ne pas y voir une mise en abîme de l'acteur et du mythe qu'est The Rock. Parce que politiquement, on sait, The Rock ne cache pas son engagement plutôt modéré. Donc, par exemple, vous ne le verrez pas soutenir Donald Trump et son gouvernement en ce moment. C'est un engagement mondial pour le Parti républicain. Et c'est un acteur réputé pour des séries B quand même violentes. Il est plutôt amusant de voir ce comédien avoir conscience de cette image, se ridiculisant parfois. Moi, pour imiter Zorg, j'adore faire son geste avec ses doigts. Tout le monde s'est devenu quelque chose d'assez culte. Ouais, regardez. On ne le spoilera pas, hein, mais... Et c'est pour ça qu'on adore ce Southlandtales, excusez-moi, un film où on parle de ce casting exceptionnel. C'est comme si toutes les stars de la pop de notre époque égratignaient ce qu'ils valent, ce qu'ils sont. En même temps, ce sont des personnes, mais aussi ce sont des images. Ils sont aussi transformés en images superficielles dans notre pop culture. Et c'est vraiment Southlandtales, c'est un film qui parle de cette saturation, de comment manipuler les gens par cela, quitte à force de trop en faire, provoquer un certain chaos. Et c'est jusqu'à sa toute fin, et mais c'est merveilleux. Il y a ça, mais en fait, il y a 10 000 lectures possibles, il y en a plusieurs. Après l'avoir vu, déjà, il est... ultra long. Alors le film, je l'adore, ouais. Mais il est super long. Il est super long, ouais. Franchement, il dure 2h30. Je crois qu'il y a, il y a deux versions. Il y a une version pas Director's Cut et une Director's Cut. Je crois que j'ai vu la Director's Cut. Mais... j'ai vu la plus longue. Crois que c'est pas... Justement, c'est pas la Director's Cut qu'on a... Je sais pas si celle qui était à Cannes, c'est la Director... Enfin bref, j'en ai vu une, mais qui m'a suivi, qui est géniale. C'est la plus longue que j'ai vue. Et c'est ultra long. Et au début, honnêtement, je savais pas trop quoi en penser. Parce qu'il y a plein de moments que j'avais aimés, il y a plein de trucs que j'avais compris, entre guillemets, que j'avais lus et que j'aimais, parce que c'était sur des thèmes qui m'intéressent vachement. Et du coup, après, j'étais un peu en mode, je savais pas trop quoi en penser, du coup j'ai lu plein de trucs dessus, j'ai lu plusieurs interprétations et tout, et en fait, il y a plein de lectures, il y a plein d'interprétations, et c'est génial. Et même au-delà de... enfin, même si je savais pas trop quoi en penser, avant de me renseigner, enfin de le digérer, en fait, il m'avait marqué de ouf, en fait. Du coup, je pense... j'aime pas trop qu'on dise qu'un film qui te marque, ça suffit pour faire un bon film, mais là, il m'avait marqué positivement, ouais. Tu vois. J'étais pas en mode « Ah, oh, je le déteste », j'étais en mode « Je veux en savoir plus et je veux le revoir et tout ». Et donc, je disais, il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture du miroir avec The Rock et les autres acteurs, ouais. Toute la consommation, les trucs comme ça. Mais il y a aussi toute une interprétation par rapport à la Bible, par rapport au livre de la Révélation, qu'ils n'arrêtent pas de citer. The Rock, il y a une image complètement christique. En fait, tous les personnages, c'est un personnage, enfin l'histoire elle est basée sur, alors j'ai pas lu la Bible hein, mais je m'y connais un petit peu, toute l'histoire elle est basée sur le dernier livre du Nouveau Testament, donc l'Apocalypse, avec justement l'Apocalypse, et le film raconte l'Apocalypse, et tout le long le personnage de Justin Timberlake va dire des phrases de ce livre, du livre de la Révélation. Et chaque personnage va représenter un personnage qui est dans ce livre-là. Et je trouve ça ouf, parce que en plus, mêlé à ça, il y a des trucs de... Bon, je ne veux pas trop en dire, parce que je ne veux pas le spoiler, parce que je veux vraiment que vous regardiez ce film. Mais il y a des trucs d'espace-temps, d'univers, de trucs un peu mais métaphysiques et tout. Propre et je trouve ça ultra cool, mais je trouve ça super intéressant. C'est totalement propre au cinéma de Richard Kelly, en plus, parce que... Del Darko parlait de ça aussi, et surtout son dernier film qui est peut-être très sous-estimé pour moi, qui est The Box avec Cameron Diaz et Jeff Marsden. Et ça part complètement dans ce trip-là. Ouais. Et il me fait un peu, pour moi, Richard Kelly, il me fait un peu penser à ce qu'aurait aimé être un réalisateur comme Darren Aronofsky. Peut-être. Ouais. Alors, loin de là, l'envie de bâcher Aronofsky, qui est quand même un réalisateur assez intéressant, ouais. Et mauvais l'année dernière, part vraiment dans un délire qu'on pourrait comparer à celui de Richard Kelly. Mais de toute façon, on aime tout le monde, on bâche personne, on fait des bisous à tout le monde. Et on lui, sauf que lui, il consacre vraiment son cinéma vis-à-vis de ça et a provoqué. C'est jamais programmatif, c'est jamais programmé son cinéma en fait. Il y a toujours des espèces de fulgurances qui surgissent dans ce chaos, et notamment dans l'ordre de la musique. Et enfin, moi, une des séquences vraiment qui marche et qui est cool pour moi, c'est la séquence où le pote de Justin Timberlake il se drogue, et après il chante la musique de The Killers. Ouais, c'est ça. Il est trop bien cette scène. Et c'est vraiment cette espèce de... Oui, parce qu'il y a plein de trucs dans ce film. Il y a de la drogue, il y a des voitures qui couchent ensemble. Des voitures, il y a un camion de glace qui vole, il y a des bazookas, il y a Christophe Lambert, il y a plein de trucs. Mais en fait, t'as l'impression... Je pense qu'il a pas été... apprécier sa juste valeur au début, parce que je pense qu'il faut déjà le digérer, faut peut-être pas le comprendre, mais faut pas s'attendre à ce que tout soit dit clairement et tout ait clairement un sens à l'image, faut lire entre les lignes, quoi, c'est ça que je veux dire, parce que si tu le prends littéralement, le film, c'est des gens qui on dirait qu'ils ont jamais eu d'interaction humaine de toute leur vie, ils sont tous complètement cons, ils font nimpe, le montage en plus il aide pas, le rythme il est chelou, t'as l'impression qu'ils ont des interactions vraiment bizarres, tu sais, ils sont bizarres, ils se parlent, on dirait qu'ils se balancent juste des citations, tu sais, genre citations sur even.fr là, il y a un camion de glace qui vole, il y a une sextape, il y a le chiffre 69 qui arrête pas de popper tout le temps, il y a il y a des gens habillés, on dirait qu'ils viennent d'un film de Luc Besson, quoi. Il y a plein de trucs chelous, mais en fait, tout a vraiment un sens, parce qu'il y a je sais pas si c'est spoilé, donc je vais peut-être pas le dire, mais il y a un truc dans le film, dans l'histoire, dans tout le plot du film, en fait, dans toute la conspiration, entre guillemets, qui fait que toutes les actions des personnages, toutes les réactions des personnages, elles ont un sens, en fait, et leur façon d'être, elles ont un sens. Et je trouve ça ouf, en fait, je trouve ouf ce film. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire dessus. Plein de trucs à interpréter. Et en plus, une BO de Moby aux petits oignons. Mais oui, enfin, regardez ce fondant. On espère qu'on vous aura donné envie de voir ce petit chef-d'œuvre. Enfin, petit, deux heures et demie, quoi. Ouais, mais c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands films, et je le cache. Oui, c'est vrai. L'un des plus grands films du cinéma américain... triste de ce 21e siècle. D'autant plus triste que nous, on l'a eu qu'en direct ou DVD en France. Mais au moins, on l'a en DVD maintenant. Du coup, achetez le DVD. Pas très cher chez Cash Web ou chez Carrefour. j'ai eu sur Cash Web. 2 euros. Allez. Mais oui, donc très grand film. Mais justement, The Rock, il s'est un peu, entre guillemets, renouvelé, parce qu'on l'a pas dit, je sais même pas si on l'a dit, je pense pas, mais il joue mais tellement bien dedans. Il joue super bien, et c'est pas un film... Enfin, si, c'est un peu un film d'action, mais c'est un film plein de trucs. C'est inclassable, voilà, comment dire. Ouais. Mais je veux dire, le rôle qu'il a, c'est pas un rôle de film d'action, c'est pas un mec qui va aller casser des gueules et faire exploser des hélicos. C'est et... genre, c'est... le personnage est un acteur. Oui, il jouerait The Rock, en fait. Voilà, et, mais il est super... pas timide, pas introverti, mais il est perdu. Et The Rock le joue vachement bien, et il a des petits moments, ouais, il a des petits moments, c'est pas très radiophonique ce que Victor vient de faire, mais on se comprend, mais il a plein de petits moments, de petites fulgurances dedans, et tu te dis, ah putain, mais c'est The Rock qui fait ça, quoi, et c'est un truc de ouf. Et donc du coup, est-ce que après Sunshine Tales, après maintenant, est-ce qu'il va nous offrir encore des performances comme ça? Je ne sais pas, Victor. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors, je ne sais pas si il aura une nouvelle performance digne de Sunshine Tales, mais on va encore kiffer voir des The Rock movie avec des coups de poing, des punchlines et des explosions en veux-tu en voilà. Tout d'abord, ça a été annoncé dans une petite vidéo très rigolote cette semaine sur Twitter. On a Jungle Cruise, qui est le nouveau film Disney réalisé par Jaime Colesera, qui est le mec quand Colesere. Même. Pardon. Quand j'ai dit Colesera, fallait que je le fasse. Bref. Qui est quand même le mec qui a non pas créé le The Rock Movie, mais le Liam Neeson Movie. Ah, faut savoir que. Là, cette année, il a sorti par exemple The Passenger, où c'est Liam Neeson qui doit sauver des gens dans un train. Après Non Stop, où c'était Liam Neeson qui sauve des gens dans un avion. Bientôt, Liam Neeson qui sauve des gens dans un métro, puis dans un tram, après dans un bus. Et dans un Ouigo. Dans un Ouigo, dans un Blablacar. Et alors là, donc là, il n'y a pas Liam Neeson, c'est... Ah. On a un duo badass et de choc, The Rock, Emily Blunt. Ah oui. Donc, pour un film tiré à l'instar de Tomorrowland et de Pirates des Caraïbes d'une attraction Disney, qui a l'air de raconter une exploration d'aventuriers dans la jungle, désert de Jumanji, mais qu'on a hâte de suivre de cela de plus près, parce que, au vu de la première image qu'on nous a mis, avec The Rock qui joue un marin qui a l'air badass et tout, façon Popeye, moi je veux voir ça. J'aurais préféré un film Popeye qu'un film tiré d'une attraction Disney. Mais les films d'attraction Disney c'est souvent de qualité. Ouais, Tomorrowland. Non, t'aimes pas, pas trop. On va pas être d'accord, on n'est pas d'accord sur George Clooney et Hugh Laurie. Et donc c'est une attraction de Disney, donc, mais il va ensuite passer dans un autre univers de légende, puisque c'est la licence DC Comics, avec le personnage de Black Adam, mais je ne connais pas personnellement. Est-ce que tu... J'ai pas... On sait rien de plus dessus, on sait juste qu'il va le jouer, et moi j'attends de voir ça, parce que j'aime bien ce personnage, et j'aime bien The Rock, et je pense que ça va être trop cool. Après, on a chacun notre avis, enfin, tout le monde a un avis sur les récents travaux de DC, moi j'aime bien, personnellement, même si Aquaman a l'air un peu bizarre, mais justement, je sais pas trop. Mais Black Adam, moi j'ai hâte de voir, j'attends de voir. Parce qu'en plus, c'est pas un personnage que beaucoup de personnes connaissent. Bah, comme Shazam. Que en France, on connaît pas trop non plus. Enfin, moins que tu sois vraiment fan de comics, quoi. Mais du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour pouvoir le rendre accessible au grand public. Bah, d'ailleurs, ouais, c'est... d'ailleurs, tu parlais de Jason Momoa, d'Aquaman. Mais moi, je suis curieux de voir, parce que moi, autant j'ai des problèmes avec Superman, avec le nouveau Batman de Ben Affleck, tout ça. Mais quand il s'agit de faire des super-héros badass et tout, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Parce que moi, le seul personnage que j'aimais bien, par exemple, dans Justice League, c'était qui? C'était Aquaman, parce que Jason Momoa s'en sortait à merveille. Jason Momoa, et je l'aime d'abord. La bande-annonce qui est sortie de Aquaman, elle nous vend du rêve, parce que ça a l'air ultra généreux. La bande-annonce Et cool, l'affiche les moins. Ouais, ok, je dirais que ça a l'air d'être un peu un gang de requins, monde des mots. C'est trop bien, un gang de requins. Si c'est un gang de requins avec Jason Momoa dedans. Avec Jason Momoa, Martin Scorsese et Robert De Niro, ok, ouais. Produit par Dreamworks, allez-y, Dreamworks. on vous donne des idées comme ça, on est généreux, c'est comme ça. Et le dernier point de l'actu, c'est la rencontre qu'on attend depuis 2-3 ans déjà. On avait déjà quelques scènes avec eux, mais qui étaient des scènes légendaires comme une évasion de prison absolument mémorable. Mais là, ça y est, on aura enfin les deux antagonistes devenus amis de Fast and Furious, The Rock, Jason Statham, dans un seul et même film où ils vont devoir unir leurs forces pour combattre qui ? Pour combattre Idris Elba. Et ça vend du rêve. Alors, ce sera réalisé par David Leitch, qui est... Et non pas David Lynch. Et non pas David Lynch. Ça serait bien, hein. Ouais, ce serait superbe. Après tout, David Lynch, il a bien filmé Terry Crews dans Inland Empire. Alors, pourquoi pas filmer The Rock ? Alors, ce sera réalisé par David Lynch, peut-être le moins bon des deux réalisateurs de John Wick, parce que c'est David Lynch qui a aussi réalisé l'exécrable Atomic Blonde l'an dernier. Et je suis quand même, je pense qu'on va avoir un bon petit spectacle, on va kiffer voir. Mais c'est ce dont on a parlé tout le long de cet épisode, c'est dès qu'il y a The Rock qu'on aime, même si c'est un film de merde comme Doom. Dès qu'on voit The Rock, on est content. Mais oui. Ça nous suffit. Enfin, nous en tout cas. Ça nous suffit. Est-ce que vous, ça vous suffit ? On ne sait pas. Vous êtes libre de nous partager votre avis sur. Sur The Twitter, Rock, par sur exemple. Sur Twitter, Facebook. @S5P42. Sur Facebook, peut-être, je ne sais pas encore. Mais sur Twitter, en tout cas, c'est sûr. Ça et on vous communiquera. Sur Twitter. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode. De cette première séance, pardon, dans cette salle numéro 5. Et avant de partir, on voudrait vous remercier, vous, déjà, nous avoir écoutés. Et on voudrait remercier aussi qui est-ce qu'on voudrait remercier, Victor ? Alors, déjà, on voudrait remercier trois personnes qui nous ont aidés et conseillés tout au long de cette aventure, qui sont Alexandre Dupré, Amaury Foucard et Lucille Talon. Oui, avec qui on avait enregistré un pilote. Bref, on avait enregistré un truc, c'était pas très bien, vous l'entendrez certainement jamais, mais ils étaient là avec nous et c'était ils nous ont cool. conseillé pour... Et ils nous ont dit ce qu'ils en pensaient, ils nous ont conseillé pour qu'on s'améliore, pour qu'on travaille plus et pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et pour finir en remerciant, je voudrais aussi remercier l'équipe du quotidien du cinéma et Thomas Dessert de Parents Péloche qui nous ont quand même aidés pour... Qui nous ont dit allez-y, c'est cool, faites-le. Et en plus, Parlons Péloche, c'est vachement bien. Au quotidien du cinéma qui... Les aventuriers des salles obscures. Qui sont en vacances, là. Les vacanciers des salles obscures, en ce moment. Ils sont en vacances, là, ce mois-ci, mais ils reviennent en septembre. C'est ça. Ou dans une émission, on pourra entendre Victor, en plus. Et donc, on voulait... Voilà, c'est tout pour les remerciements. Les lumières se rallument. Le générique apparaît. Le générique apparaît. La magnifique musique de fin. De la scène de fin de Southland Tales, musique de Moby, et on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter ce que vous en avez pensé, si vous comptez regarder Southland Tales, si vous comptez regarder n'importe quel film de The Rock, si vous aimez bien The Rock, et on vous dit. Et même si vous n'aimez pas The Rock, vous avez le droit de le dire. Mais dites-nous pourquoi, parce que nous on comprend pas, franchement. Enfin bref, à la prochaine. À la prochaine.